La 4e conférence des pêcheurs exemplaires de l'armée populaire de Corée a eu lieu le 29 décembre à Pyongyang. Y ont pris part le sous-maréchal de l'armée populaire de Corée, Fang Yong-soo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, les commandants de l'armée populaire de Corée, les cadres du secteur halieutique et pêcheurs exemplaires de l'armée populaire. Dans son rapport, Fang Byung-sun a indiqué « Les cadres et pêcheurs des secteurs halieutiques de l'armée populaire ont réalisé de grands mérites pendant une année depuis qu'ils ont commencé le travail dans les mers de l'Ouest et de l'Est pour appliquer l'ordre du commandant suprême Kim Jong-un tout en faisant preuve du patriotisme ardent. Le commandant suprême a conduit sagement les entreprises de pêche de l'armée populaire pour introduire les techniques de pointe conformément à la demande de l'époque de l'économie du savoir, établir parfaitement le système de production intégrale et réaliser l'automation du travail à la chaîne et la robotisation de tous les processus de traitement afin d'opérer un nouveau tournant révolutionnaire dans la production et la transformation des poissons. Il les a qualifiés d'adeptes absolus, de défenseurs résolus et d'exécuteurs parfaits de la politique du parti et de précieux compagnons d'armes révolutionnaires incomparables en signe de sa confiance suprême. Tous sont invités à enregistrer de nouvelles grandes réalisations dont la pêche en 2017 est significative, suivant la direction du commandant suprême Kim Jong-un. L'assistance a écouté les interventions.